zanima ya kusukula mwini mikyo tukwe suko mera maite mpomu mwuzi kwa drakura mwini kubiso seko amen uwe igyo na kwa kukikote Joseph Desire Lumbala GDL Treadmill Sorma, Monga, Papi Ali Kaka, Emi Amiso Mutama, Robert Zichonga, Kolonji, Minu Jeremy Kazali, Machi Kamani, Dadi Bayakama, Donda Skiala, Sinimu Londres. Paolo Tudibe, Olivina, Bebe Munga, Sandra Kuna, Sandra Lomba, Bibi Kelita, Engine Shiva, Mama, Sanja Gerda, Mama, Dodo Diom, Mama, Sandra Lina Babuki, quand on est seul, on va vite, mais quand on est à deux, on va plus loin.